La porte du château de Plessis-les-Tours ne s'ouvrait jamais, ni le pont-levis ne s'abaissait, avant 8 heures du matin. Alors, entraient les officiers du roi, et des capitaines des gardes plaçaient les portiers ordinaires, puis disposaient des archers du guet, tant à la porte que dans la cour, comme dans une place frontière étroitement gardée. Personne ne pénétrait, sinon par le guichet et au-dessus du roi, sauf quelques maîtres d'hôtel ou personne de cette sorte qui n'allait point auprès de lui. Eh bien, est-il possible, si l'on veut le traiter avec les égards qu'on lui doit, de tenir un roi en plus étroite prison qu'il se tenait lui-même? Les fameuses cages de fer où il avait enfermé les autres avaient quelque 8 pieds de côté, et lui, un si grand roi, n'avait pour se promener qu'une petite cour de château. Encore, n'y venait-il guère, se tenant dans la galerie, sans en sortir, sinon pour circuler dans les appartements, et se rendant à la messe, sans passer par la dite cour. Oserait-on prétendre qu'il ne souffrait point, ce roi, qui s'enfermait et se faisait garder de la sorte, qui craignait ses enfants et tous ses proches parents, qui changeait et remplaçait chaque jour ses serviteurs et commensaux, lesquels ne tenaient bien et honneur que de lui, qui n'osait se fier à aucun d'eux, et s'enchaîner lui-même en des chaînes et clôtures si extraordinaires? Il est vrai que ce séjour était plus spacieux qu'une prison vulgaire, aussi bien était-il lui-même plus grand que de vulgaires prisonniers.